Pour tenir la maladie à distance, restez toujours à plus d'un mètre les uns des autres. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du gouvernement. Coronavirus alert. To keep the disease at bay, stay at least 1 meter away from each other. For more information, go to gouvernement.fr. This is a message from the government.